بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, un petit retour avant de commencer sur qu'est-ce qu'on avait parlé la dernière fois. Donc, on avait parlé au sujet des quatre a'imma de Mazahir, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, rahimahumullah, Ajma'in. On avait dit que ces quatre imams, ils sont tous les quatre sur la même aqidah. La seule chose, c'est qu'ils ont des divergences et des différences dans certains aspects de fiqh, et donc ils sont tous les imams et les a'immas de Ahl Sunnah, et on a parlé de ça en beaucoup de détails. On a expliqué aussi que les kuffars attaquent l'Arabie Saoudite, et une des raisons pourquoi, peut-être même la plus importante raison pour laquelle ils attaquent l'Arabie Saoudite, c'est parce que l'Arabie Saoudite applique la charia. Donc, comme on avait dit, les kuffars, ils attaquent une des raisons pourquoi ils attaquent l'Arabie Saoudite, c'est parce qu'ils attaquent, parce qu'ils appliquent la charia là-bas. D'accord? Par exemple, lorsqu'il y a, quelqu'un qui a commis un crime, un meurtre, ou quelque chose de ce genre, on applique sur lui la charia, c'est-à-dire, celui qui le tue, il est tué, exécuté selon la charia. Et, celui qui vole, on lui coupe la main, et la femme qui se commet, ou l'homme qui se commet l'adultère, qu'il y a des témoins et tout, on les lapide. Et les femmes sont ordonnées de se couvrir selon la charia islamique, selon le hijab islamique. Et donc tous les aspects de la charia à la base sont ordonnés et appliqués. C'est normal que, comme dans tout pays, il y a des choses qui sont, il y a des péchés, il y a des choses qui vont se produire, qui sont contraires à l'islam, mais rien n'empêche que la base, c'est que c'est un pays musulman, que la base, c'est qu'ils appliquent la charia. C'est un des seuls pays musulmans actuellement qui applique la charia. Et donc, même s'ils ont des fautes ou des erreurs ou des péchés, eh bien, ça fait partie de la nature humaine. Et ça, c'est des choses qui existent dans chaque pays musulman, et peu importe le niveau de foi ou de piété qu'ils atteignent, il y aura toujours quand même des péchés. Et ça existait même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait des péchés. Le Nigeria qui applique la charia. Le sud du Nigeria ou le nord? Le nord, oui, le nord. Mais le gouvernement du nord, est-ce qu'il est indépendant du sud ou c'est le même gouvernement? Majorité musulmane. Ouais. Non, mais je pense que le président du Nigeria est chrétien, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, ils appliquent la charia dans le nord, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Et le nombre des élèves nigériens en Arabie Saoudite, à l'université islamique de Médine, mashallah, c'est un des plus grands nombres d'élèves, d'étudiants là-bas, de la charia, puis de l'islam, Donc, mashallah, ça ne me surprend pas que les frères là-bas, que les chouyouk, que les ulama là-bas fassent beaucoup d'efforts pour appliquer des aspects de la charia. Par le vote? Ouais? Donc, c'est ça. Il y a des choses encore à corriger, mashallah, pour l'avenir. Mais, on espère que Allah fasse rendre possible le fait que la charia soit appliquée selon l'islam et selon la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la sunna et non selon des votes démocratiques ou des aspects de ce genre ou des choses de ce genre. Donc, comme je disais hier, je parlais de l'Arabie Saoudite dans ce point de vue-là. Donc ça c'est une des raisons pourquoi les kuffars détestent l'Arabie Saoudite. Et ils demandent à l'Arabie Saoudite de laisser tomber l'application de la charia. Ça, c'est ce qui les dérange. Le fait que la femme et l'homme n'ont pas l'égalité dans la société, ça, ça les dérange aussi. Parce que c'est une chose qui fait partie de la charia. Donc beaucoup d'autres choses de ce genre-là. Les gens de Béda aussi attaquent l'Arabie Saoudite. Et la raison pour laquelle ils attaquent l'Arabie Saoudite, c'est pour les gens de Béda, c'est à cause de l'Aqida. L'Aqida qui est établie là-bas, c'est-à-dire l'Aqida al-Sunna al-Jama'a et le manhaj qui est le manhaj du Salaf, l'Aqida du Salaf, c'est-à-dire les premiers musulmans, les Sahaba et les Tabi'in et ceux qui les ont suivis. Ça, c'est la raison pourquoi les gens de Béda attaquent l'Arabie Saoudite en partant. On sait que l'état de l'Arabie Saoudite actuellement a été établi suite à l'appel d'un des ulamas de l'islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est venu faire renouveler cette da'wa salafia en Arabie Saoudite. Et c'est dernièrement avec le roi Abdelaziz que cette da'wa a été établie là-bas. En Arabie Saoudite, et donc ça c'est quelque chose qui a causé beaucoup de rage dans le cœur des gens de Béda, que ce soit des Soufis, que ce soit des Asha'ira, que ce soit des autres parmi les autres groupes de Béda qui sont répandus dans les pays musulmans comme Rafida, les Shi'a Rafida qui détestent cette da'wa, et beaucoup d'autres groupes de ce genre. Étant donné que cette da'wa est établie à la base, contre les bid'ahs et contre toute forme d'innovation que les gens peuvent apporter ou amener dans la religion de l'islam. Donc, ça, c'est des choses qui ont fait que tous ces gens-là se sont tous unis, peu importe leur divergence entre eux, c'est-à-dire peu importe les divergences entre les gens de bid'ahs, ils se sont tous réunis ensemble contre la Arabie Saoudite. Ils ont mis de côté leurs divergences entre eux et ils se sont dit on va tous travailler ensemble pour attaquer ce pays-là. Parce que c'est le pays aujourd'hui qui représente pour nous le plus grand problème et le plus grand danger. D'accord ? Par la suite, on va avoir l'occasion de poser les questions. Donc, on sait que ce pays-là, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a été établi ? Il a premièrement formé les écoles, formé les universités. Permis et donné la chance à cette da'wa d'être répandue dans le monde musulman. Parce que auparavant, par exemple, pour trouver les livres des ulama qui étaient des ulama salafiyoun, auparavant c'était très difficile de trouver leurs livres. D'accord? Et par exemple, les livres d'Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, c'est des livres qui étaient très difficiles à avoir. On n'avait pas facilement accès à ces livres. Pourquoi ? Parce que les soufis et les gens de Béda s'arrangeaient toujours pour essayer de les détruire ou les brûler et de les rendre vraiment difficiles d'accès. Les gens qui faisaient la publication et l'édition des livres et qui, par exemple, qui publiaient les livres, c'était la plupart contrôlés entre les mains des gens de soufis et entre les gens d'autres groupes, d'autres sectes. Et eux, ils faisaient tout leur possible pour empêcher justement l'impression et la publication des livres des ulama, d'Ahl-Sunnah, qui défendent l'aqida des salaf. Ok? C'est seulement après justement, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les musulmans découvrent, ou qu'on découvre le pétrole là-bas en Arabie Saoudite, qu'au tout début il n'y avait pas de pétrole. Donc toute cette da'wa, elle a été basée en premier sur l'aqida, c'est tout. Le combat du shirk et des bid'ah. Mais par la suite, Allah a voulu que les musulmans découvrent cette richesse, cette pétrole, et qui a servi en fait pour aider à la propagation de cette da'wah. Et ça, c'est une autre chose qui enrage les kuffars au niveau du fait qu'ils voient que les musulmans d'Ahl-Sunnah et les Salafiyoun sont, ils ont derrière eux un état qui a une richesse et qui est capable de dépenser de son argent pour faire la propagation de ce manhaj, qui est le manhaj al-haq. Et juste en parlant de l'université islamique par exemple, tous les élèves qui vont là-bas, il y a environ 5000 élèves qui étudient là-bas. Et c'est des élèves à Médine qui sont de tous les pays du monde, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de tous les pays. Donc tous ces élèves-là sont réunis là-bas, ils sont tous envoyés là-bas, ils sont tous à cette université-là, c'est-à-dire ils ne payent rien. Ils ne payent même pas leur billet d'avion pour aller là-bas. Et ça, c'est à la charge de l'université. On leur donne, à chacun de ces élèves, on leur donne de l'argent de poche qu'il peut dépenser durant, à chaque mois durant l'année. D'accord, pendant qu'il est là-bas. On lui paye un billet d'avion durant les vacances pour qu'il retourne dans son pays et puis qu'il retourne par la suite, après les vacances, avec un salaire pour retourner étudier là-bas. D'accord? On lui donne un endroit pour où il dort, où il peut habiter, et ça c'est gratuit. La seule chose qu'il aura, yarhamkallah, la seule chose qu'il aura à dépenser, c'est l'argent qu'il aura à dépenser pour sa nourriture, ses vêtements et des choses comme ça. Donc il a une somme d'argent qu'il a juste pour lui, pour acheter des livres, pour acheter ses vêtements, pour acheter sa nourriture. Donc vraiment, quand on juste penser à ça, et qu'on sait que si on veut établir l'islam, et si on veut la propagation de cette da'wah et de cet islam dans le monde, eh bien, ça doit commencer par l'éducation, ça doit commencer par l'ilm. Et on voit déjà le grand effort qui a été établi. Ça, c'était l'ancien moufti de l'Arabie Saoudite, pas l'ancien, l'autre avant, c'est-à-dire Mohammed ibn Ibrahim. C'était lui, Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui avait fait ouvrir cette université. Et par la suite, c'était Cheikh Abdelaziz ibn Baz qui a été responsable de l'université pendant une grande période de temps. Puis après, il est devenu mufti, il a succédé Mohammed ibn Ibrahim. Et puis, donc, l'université a continué jusqu'à aujourd'hui, elle continue encore. Et il y a beaucoup d'autres aussi universités. Il y a Dar al-Hadith aussi à Mecca et à Medina. Et donc, il y a beaucoup d'autres institutions aussi pour l'enseignement de l'islam et de la sunna. Donc, c'est juste un exemple de comment ce pays-là dépense de l'argent pour la propagation de l'islam, pour la propagation de cette da'wah. Et, on ne fait pas ici, je ne parle pas de ça maintenant, c'est comme pour faire une sorte de propagande pour l'Arabie Saoudite ou bien pour défendre l'Arabie Saoudite, mais uniquement pour démontrer et pour montrer la réalité. Hein. Celui qui a fait quelque chose de bien, il faut savoir le reconnaître. Et puis, il faut savoir aussi remercier les gens lorsqu'ils font un bien. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man lam yashkur an-nas, lam yashkur Allah » C'est un hadith « Aucun n'a qu'à l'Annabi sallallahu alayhi wa sallam » Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir remercier les gens. Et si on écoute les gens de Bid'a, quand ils parlent de l'Arabie Saoudite, c'est comme s'ils ne mentionnent que le mal, hein, et que les fautes et que les erreurs, parce qu'en réalité, ils ont une haine et une rogne contre ces gens-là, et ils refusent même de voir tout bien qu'ils peuvent contenir de ce pays-là. Et ça, c'est un des signes, et ça, c'est une chose qui va nous faire comprendre et nous faire distinguer que ces gens-là, ils ont quelque chose de hawa, ils suivent une passion, c'est dans leur cœur. À ce sujet-là. Donc ça c'est, je pense que ça règle quand même beaucoup le point de ces choses-là. Il y a aussi les modernistes aussi qui détestent que l'Arabie Saoudite, et eux ils rentrent dans les gens de Bid'a. Par la suite, il y en a d'autres qui prétendent détester l'Arabie Saoudite parmi les gens de Bid'a d'aujourd'hui, en disant que c'est une monarchie, et qu'il y a la monarchie pour eux, je ne sais pas pourquoi, mais ils se basent, je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais ils essaient de prétendre que la monarchie dans l'islam c'est haram. Puis après ils disent qu'il faut établir la démocratie en Arabie Saoudite. Alors on sait tous que la démocratie ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est quelque chose qui est complètement kofri, qui est opposé complètement au fondement de la foi islamique. Et il y en a d'autres qui prétendent que il faut être contre l'Arabie Saoudite parce qu'il faut établir le khilafa. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un seul dirigeant pour tous les pays musulmans, et donc à cause de ça, ils sont contre l'Arabie Saoudite. Mais yani, si on lit les paroles des ulama qui ont parlé de dans ce sujet-là et dans ce domaine-là, ils ont expliqué que ça, l'obligation puis la sunna, c'est qu'il y ait un dirigeant qui dirige tous les musulmans au complet. Mais lorsque cette chose-là n'est pas possible, et que, en fait, c'est ça, il doit y avoir un dirigeant, puis les autres doivent être les députés ou les ministres, dans différentes contrées. C'est eux qui leur représentent ce khalifa ou ce dirigeant. Mais lorsque c'est pas possible, et que ce dirigeant-là, son autorité n'est pas capable d'être appliquée ou d'être implémentée à l'extérieur, ou à une distance plus éloignée, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et que chaque ministre ou chaque député ou chaque responsable de chaque contrée devient indépendant dans sa façon de diriger, et que comme si l'autorité du dirigeant ne l'affecte, de l'autre dirigeant ne l'affecte plus, il n'est plus sous son autorité dans les faits, alors c'est à lui maintenant de prendre la responsabilité d'appliquer les punitions et d'appliquer de la charia dans la contrée qu'il dirige. Et ça, c'est arrivé dans le temps de l'Abbasiyya et puis d'autres époques par la suite après, où les pays islamiques ont été divisés. Il y avait les royaumes qui étaient comme l'Andalousie, puis le nord de l'Afrique, qui étaient dirigés par des dirigeants. Et puis, il y avait l'Irak et les autres pays comme ça, du côté-là, qui étaient dirigés par d'autres dirigeants, et puis donc c'était comme ça, se passait comme ça depuis très longtemps, et ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu un seul khilafa général pour toute la Umma. Donc, et ça c'est quelque chose, les ulama ont parlé de ça, ils ont dit, puisque c'est comme ça, chaque dirigeant dans sa contrée, eh bien c'est lui, Amir al-Mu'minin, et c'est à lui que les musulmans doivent obéir, et écouter et obéir dans ce qui leur donne. Donc tout ça c'est pour expliquer ce petit détail là qui est en fait très important et qui nous montre que l'attitude de Ahlus Sunnah wal Jama'a vis-à-vis de ce pays-là et vis-à-vis des dirigeants en général aussi, c'est-à-dire l'écoute et l'obéissance, et ça on va en reparler. Le cheikh aussi a parlé, on avait commencé à parler la dernière fois de certaines accusations qui ont été faites contre cette da'wah. Et que certains même ont voulu l'appeler salafia jihadia, comme s'il y a certains groupes terroristes actuellement dans le monde musulman qui se prétendent être salafis. D'accord? Ils font des actes de terrorisme, ils tuent des gens, ils font des attentats terroristes et tout ça, et puis ils disent que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils sont des salafis qui suivent les salafs. Alors que, comme le chef l'explique, il dit وكيف تكون سلفية وهي مخالفة لها في العقيدة والمنهج؟ يعني كما يفرق السلفي، alors qu'ils sont en contradiction avec le manhaj des salaf et avec la aqida des salaf. C'est-à-dire la plupart d'entre eux, ces groupes-là, ils ont l'aqida des khawarij, c'est-à-dire ils déclarent les créants toute personne qui fait du péché, en péché, et aussi dans leur manhaj. C'est-à-dire ils sont d'accord avec le fait qu'ils doivent prendre les armes contre tout dirigeant qui fait des péchés. Donc tout ça c'est le manhaj des khawarij. Ça rentre dans le manhaj des khawarij. De prendre les armes contre un dirigeant ou un président lorsqu'il fait des péchés, s'il fait des péchés, même s'il est musulman, bon, on prend les armes, on le renverse, on fait un coup d'état. Ça c'est le manhaj des khawarij, ça existe depuis le temps du prophète, depuis après le temps des Sahaba, ça a commencé et ça continue jusqu'aujourd'hui, cette bid'a. Et ça, on va en parler plus tard aussi. Donc, ça, c'est un point. Ils ne peuvent pas être salafis pour cette raison-là. Dans l'aqida, dans le manhaj, ils sont contraires avec les fondements des salafis. Et, en ce qui concerne le djihad, eh bien, ils ne respectent même pas la signification légale de qu'est-ce que signifie al-jihad dans l'islam, et ils n'ont même pas respecté les conditions nécessaires pour l'application du jihad. Donc, qu'est-ce qu'ils font au nom du djihad? Ce n'est même pas un djihad en partant. C'est-à-dire d'aller faire sauter des buildings, ou bien de se faire exploser dans le centre-ville d'un pays non musulman pour croire qu'on va être martyr en faisant des choses comme ça. Tout ça, c'est des exemples de choses qui sont contraires avec le djihad. Et la dernière fois qu'on a fait le cours Maître du passé, on avait eu la visite de deux jeunes qui sont influencés par ces groupes en particulier. Et puis, ils viennent avec les mêmes discours et les mêmes choubouhats que ces gens-là. Et ça nous fait prendre conscience de plusieurs points. Et parmi les points, c'est que faites attention à qui vous prenez comme ami, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, المرء على دين خليله فلينظر أيكم من يخالل un individu sera toujours sur la religion de son proche ami. Alors faites attention à qui vous prenez comme ami. Et les salafs nous ont toujours prévenu même que s'il y a quelqu'un qui se bid'a, de ne pas s'asseoir avec lui, de ne pas discuter avec lui, de ne pas débattre avec lui. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent juste une occasion pour pouvoir avoir notre oreille, pour commencer à nous jeter de leur poison, pour nous empoisonner avec leurs idées. Et une fois qu'on les a entendus, on n'est pas capable de les repousser parce qu'on n'a pas une connaissance assez développée des détails de l'islam. Alors on se laisse tromper et puis on commence à se laisser tenter par ces idées-là. On n'est pas capable de les répondre. Ça, c'est souvent des questions ou des points que seulement les savants, les grands savants de l'islam sont capables de nous expliquer. D'accord? Donc, le fait d'entendre ces idées-là, ça nous rentre dans la tête et après on n'est plus capable de les rejeter ou de les repousser. Et on n'a pas accès aux grands savants de l'islam facilement. Alors on se laisse prendre et là, lentement, Shaitan, il vient nous souffler des idées et on s'égare. Ces jeunes-là, c'est ce qui arrive avec ces gens-là. Ils s'assoient avec ces gens de takfir et de djihad et ils commencent à leur parler. Et ils leur disent par exemple, Allah nous ordonne de combattre. Et le djihad est fard ayn aujourd'hui. Le djihad est obligatoire en chaque individu parce que les kuffars nous attaquent de tous les côtés. Les Américains, les Européens, tout le monde. Et donc on n'a pas le choix. La seule solution aujourd'hui, c'est de faire ces actes. Les terroristes et tout ça, et on est dans une... Et là, ils t'amènent des citations de certains ulamas, et ils vont t'amener des citations de certains livres, à gauche et à droite, pris dans différents contextes, tout mélangé ensemble, et là, ils te sortent, voici ce que tel cheikh a dit, voici ce que tel... Et comme l'autre fois, l'autre qui nous a dit, Ibn Taymiyyah a dit, par exemple, que c'est seulement le alim qui est dans le terrain du djihad qu'elle doit de faire le fatwa, pour les questions du djihad. Un autre âme qui n'est pas dans le djihad ne peut pas faire ça. D'accord? Et ça, c'est une chose, parce qu'il faut Ibn Taymiyyah en disant ça, comme si ça s'applique à ce qu'il dit, oui. Pourtant, ils ont admis eux-mêmes qu'il n'y a aucun ulama parmi eux, il n'y a aucun savant parmi eux. Et donc, sur le terrain, les gens qui participent à ces activités-là, comme en Algérie, ceux qui se cachent dans les montagnes, ceux qui descendent, pour faire des attaques contre des villages et massacrer des femmes et des enfants et des vieillards et pour retourner se cacher par la suite et qui disent que ça c'est le djihad, et bien ces gens-là, ils disent que parmi eux il y a des ulamas qui ont le droit de faire des fatwas sur ces questions-là. Qui sont leurs ulamas? Donnez-nous leur nom, donnez-nous qui sont leurs chouyous, avec qui ils ont étudié, et là on voit que c'est le silence total. C'est-à-dire, ils n'ont pas de référence. Ils n'ont pas de preuve, ils n'ont pas de nom. D'accord? Donc là, c'est comme ça qu'on attrape ces gens-là. Je leur demande, nommez-nous vos chouyours. Nommez-nous vos noms. C'est qui vos hommes? Qui est-ce que vous suivez? Qui sont vos ulamas? Et là, on voit le silence. Alors, c'est comme ça qu'on attrape ces gens-là. Lorsqu'ils ne vous répondent pas à ces questions-là, dites, je n'ai pas à discuter avec vous. Et s'ils vous prennent des citations des choses qui sont du passé et qui les sortent hors de leur contexte, dites-leur qui parmi les ulamas d'aujourd'hui ont interprété ou ont compris ces paroles-là à la façon que vous les interprétez. Nommez-nous, donnez-nous une autorité aujourd'hui dans la science islamique qui défend vos positions. S'ils ne sont pas capables d'amener aucune autorité, aucune référence, alors dites-le, je n'ai plus à discuter avec toi, c'est fini. Et puis vous partez. Parce que la plupart du temps, c'est des gens qui ont une maladie dans le cœur. C'est des gens que la bid'a est entrée dans leur cœur d'une telle façon qu'ils en sont malades. Ils ne peuvent plus parler de quelque chose excepté de ce sujet-là. Ils ne peuvent plus penser à autre chose excepté de quelque chose-là. Et quand ils viennent aux musulmans, la première chose qu'ils vont leur dire, venez, on s'en va à telle place, on va aller faire un acte, ou on va aller faire tel jihad, ou je sais pas quoi. Donc, yani, alhamdulillah, les ulama de Ahl Sunnah, Salafiyoun, ils nous ont toujours expliqué à notre époque d'étudier l'islam, d'enseigner l'islam et d'étudier l'islam. Et ils ont expliqué que c'est ça la priorité actuellement. D'accord? Donc, alhamdulillah, Rabbil Alameen. Et une autre choubha aussi, qui est dans ce contexte-là, c'est ceux qui divisent les salafis en différentes catégories. Par exemple, ils disent qu'il y a des salafis politisés, salafis siyasi, salafis jihadi, et salafis haraki, ou d'autres divisions de ce genre. Tout ça, c'est des divisions qui n'ont aucune référence, aucune réalité en ce qui concerne Ad-Dawah Salafiyya. Pourquoi? Parce que Salafiyya, ça signifie, comme on l'a expliqué, de suivre les Sahaba, de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des premiers musulmans, les Sahaba et les Tabi'in, ainsi que les ont suivis. Hein? Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Ya yalladina amanu, udkhulu fi silmi kaffa. Vous avez, oh les croyants, entrez dans l'islam en entier. Entrez dans cette religion en entier. Vous la prenez au complet. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. C'est-à-dire, ne soyez pas parmi les mushrikines, parmi ceux qui ont divisé leur religion en sectes. Chaque groupe d'entre eux se réjouissant de ce qu'ils possèdent. Donc, un groupe parmi les musulmans qui se concentre uniquement sur le djihad, disent, nous on a le djihad. Et un autre groupe parmi les musulmans qui ont l'ibada, qui disent, nous on a le zikr et on a l'ibada. Et vous l'avez pas. Et l'autre groupe parmi les musulmans qui disent, et nous on a ci et on a ça. Donc, c'est comme si les gens se divisent la religion et on devient chacun des sectes. Pourquoi? Parce que chacun prend une partie de la religion. Tandis que si on regarde au salaf, ils prenaient la religion en entier et ils l'appliquaient en entier. C'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas une partie de la religion en particulier et puis ils niaient ou ils laissaient tomber ou ils négligeaient le reste. Donc c'est comme ça la voie des salafs. Et donc le jihad et tous ces aspects-là, l'ibada, l'ilm et tous ces aspects-là, ça fait partie d'un tout. C'est l'islam au complet. Et c'est pas parce qu'on recrute les gens de jihad qu'on nie le jihad. Le jihad, il est obligatoire, il fait partie de l'islam, d'accord? Mais il a des conditions, il a des règles. La même chose que la prière, elle a des conditions et des règles. Quand tu veux prier, tu ne peux pas prier sans avoir fait ton wudu. Si tu pries sans wudu, ta prière n'est pas acceptée. Tu dois prier dans un endroit qui est pur. Tu dois prier dans une certaine direction, sinon ta prière n'est pas valable. Tu dois prier dans un certain moment. Tu ne peux pas prier avant que le temps de la prière soit entré, sinon ta prière ne sera pas valable. Donc il y a plein de conditions. Et le jihad, c'est la même chose. Il y a des conditions à respecter. Hein, que les musulmans soient un nombre suffisant, qu'il y ait un dirigeant pour les musulmans qui leur donne. Et si le dirigeant dit aux musulmans, ne combattez pas, vous ne devez pas combattre. Vous n'avez pas le droit de sortir par votre propre initiative. Même il y a des hadiths du prophète Rasul qui ont expliqué que là, que si tes parents te disent de ne pas aller au djihad, tu n'as pas le droit d'y aller. Donc, ça c'est juste pour vous donner un exemple. Si tes parents te disent, tu ne dois pas sortir, tu ne peux pas sortir. Et le prophète Rasul, quelqu'un lui avait demandé au sujet du djihad et de partir là-bas, et il a dit, est-ce qu'il y a des parents qui vivent encore? Il a dit oui. Il a dit, ta fille, il va faire c'est-à-dire, fais ton jihad en s'occupant de tes parents. Donc, ça, c'est juste un exemple. Donc, maintenant qu'on a traité de ce sujet-là, ces gens-là qui prétendent que les salafis, et même quand on m'avait appelé au bureau là, de la mosquée Sunna, lorsque il m'avait convoqué la dernière fois, là, c'est la choubha que l'imam Soussan m'a donnée quand je suis allé dans son bureau. Il m'a dit, mais de quel salafi vous êtes? Il y a plusieurs sortes de salafis. En voulant dire, il y a plusieurs sortes de salafis, donc de laquelle tu parles. Et en voulant dire, il y a des salafis qui affirment, il y a des salafis qui. En réalité, ceux qui disent qu'ils sont salafis et qui veulent appliquer la démocratie, c'est ceux qu'on appelle justement les sororiya, ou bien qui veulent appliquer ces méthodes modernes là, de révolte, de manifestation, puis de toutes ces attitudes-là. C'est ces gens-là, yani, qui se prétendent salafis, mais qui appliquent les méthodes de Ikhwan al-Muslimin pour faire le da'wah. C'est contraire à la voie du prophète. Les gens qui font des manifestations, qui font des marches dans la rue avec des pancartes pour défendre quoi que ce soit, yani, ça c'est contraire à la sunna. Et tous les ulama salafiyyin, ils ont tous interdit ces choses-là. D'accord? Ou bien ceux qui disent on va faire des grèves pour défendre l'islam ou des grèves de la faim. Hein? Ça aussi c'est contraire à l'islam. Les ulama ont dit que ça c'est interdit. Ceux qui disent par exemple on va faire des élections, ou on va entrer dans les élections ou dans le parlement, puis on va arriver à établir la charia en entrant dans le parlement, tout ça. C'est une méthode, les ulama ont averti les gens contre ça, ils ont expliqué que la démocratie c'est un système qui est opposé à l'islam. Mais ces gens-là, ils prennent ça de côté, et puis ils disent, on regarde al-masliha, on regarde l'avantage, le profit, le bénéfice. Si ça nous amène un bien, c'est ça qui compte. Donc ils se placent eux-mêmes comme étant les mujtahidines, comme étant des ulama, et ils dénigrent les savants pour pouvoir eux-mêmes s'élever. Et puis par la suite, ils disent, c'est permis, on peut le faire. Et étant donné qu'on est ici, au Canada, on est loin des ulama, donc ils se pensent à l'abri de la foule des ulama. Mais il y a des gens qui vont les démasquer même ici. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Donc, le cheikh, il continue et il dit, هذه الجماعات وين هذه حقائق نعم هي لا رياليتي دونك pour ces jamaat c'est pas les noms qui est important, les noms qu'ils se donnent comme salafia jihadia, ceux qui ont fait les attentats au Maroc à Casablanca. Je lisais le journal Maroc Hebdo ou quelque chose comme ça là. À la première page, quand ils montrent les coupables de l'attentat et tout, ils marquent salafia jihadia. Il met ça sur la première page. Donc, la personne qui voit ça, qui ne connaît pas le da'wa salafia, la première chose qui lui vient à la tête, c'est quoi? Ah, ça y est, les terroristes et les salafis. Exactement. Donc, ils ont associé le nom des terroristes et des gens qui font le takfir et toutes ces choses-là, et qui font les terroristes, ils ont associé ça directement aux salafis. Et une des raisons de ça, c'est que c'est les Ikhwan al-Muslimin, qui ont mis cette accusation-là sur le dos des salafis. Et donc, c'est pour cette raison-là, subhanallah. Donc, alors que les salafis, si tu regardes les ulama salafis, hein, parce que les salafis, nous, une des choses qu'on fait, c'est qu'on se réfère toujours à nos savants pour savoir quelque chose en islam. Donc, si tu retournes aux savants de l'islam, Cheikh Ben Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Muqbil Ibn Hadi, Cheikh Rabi' Cheikh Al-Albani, tous ces ulama-là et tous les autres encore qu'on n'a pas mentionnés, tu leur demandes, qu'est-ce que vous dites de ces attentats? Qu'est-ce que vous pensez de ces attentats terroristes? Qu'est-ce que vous pensez des attentats suicidaires, les kamikazes en Palestine? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui font des détournements d'avions? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui font les manifestations? Ils disent tous, ça c'est contraire à l'islam, ça c'est haram. Donc comment on peut attribuer quelque chose aux salafis alors que les ulama des salafiyins, les imams de Ahl Sunna et les imams de Da'wah Salafia sont tous en train de dire aux musulmans, tout ça c'est haram. Donc, d'où est-ce que ça, comment ils peuvent oser même attribuer ça aux instituts du salafisme? Hein? Donc, c'est pour ça que c'est un devoir en même temps pour nous, les musulmans, et ceux qui suivent cette da'wah, de clarifier aux gens aussi que c'est une fausse accusation sur les salafistes, et qu'on est innocent de ces attentats et de ces attitudes-là, et que nous, on est contre ça. Ben Laden, c'est pas un salafiste, il n'a jamais été salafiste, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça n'a rien à voir avec da'wah salafiste. Et tous ceux qui suivent leur jama'a, Al-Qaïda et tous les autres, ils n'ont rien à voir avec la da'wah salafiste. Et ceux qui ont fait les attentats à Casablanca et ailleurs, ils n'ont rien à voir avec da'wah salafiste. Et on est innocent de ces gens-là. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Walaykum Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est pas les noms qui comptent, mais c'est les réalités et les significations. Et non les, seulement les termes qu'on utilise et les noms. لهذا ولذا يجب التنبه للخلق والتضليل الموجود في الساحة الإسلامية اليوم ويجب العمل على تصفية الإسلام مما ألصق به مما ليس منه وتربية النشأ المسلم على الإسلام الحق المستفقى المستقى من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة والذب عن هذا الدين وإظهاره بالمظهر اللائق به. Donc le chef, c'est qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que c'est obligatoire de clarifier et d'avertir les gens au sujet de ce mélange et de ces égarements qui sont présents actuellement dans le terrain, sur le terrain de l'islam actuellement, c'est-à-dire dans le domaine du da'wah. Et c'est obligatoire aussi de purifier l'islam de tout ce qui lui a été attribué et qui n'en fait pas partie. Et d'éduquer les jeunes générations de musulmans sur l'islam véridique. Et sur cette source pure qui est Al-Kitab wa Sunnah, selon la compréhension des prédécesseurs pieux, salaf salih de cette Ummah, et de propager et de défendre cette religion-là, et de la faire paraître sous sa plus belle apparence, et l'apparence qu'elle mérite, qui est le plus en accord avec la réalité. Et le cheikh, il continue et il dit, « وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى أُمَّةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِإِكْمَالِ دِينِهَا وَإِتْمَامِهَا وَإِتْمَامِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهَا ورضاه عنها بالإسلام الذي لا يقبل دينا سواه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يقول ابن القيم رحمه الله هذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق ولو أتى الناس من كل طريق وافتتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إليه. دوك لشيخ الزيسي que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sa miséricorde sur cette umma, sur la umma de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en accomplissant et en complétant pour lui sa religion et sa miséricorde sur sa umma, et en agréant pour la umma l'islam comme religion, qui est la religion, que Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera aucune autre religion excepté celle-ci, l'islam. Et il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Et j'ai parachevé sur vous ma miséricorde. Et j'ai agréé comme religion pour vous l'islam. Et il mentionne aussi l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Voici mon chemin dans toute sa rectitude et dans toute sa droiture, alors suivez-le. » Et ne suivez pas les chemins qui viennent vous détourner de son chemin. Parce que ça c'est aussi un hadith qui explique ça, qui est apporté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tracé une ligne droite sur le sol, et à la gauche et à la droite de cette ligne, il a tracé d'autres lignes qui sortaient de ce chemin, et il a dit, en traçant la ligne droite, il a dit « Hada siratullah » et ça c'est le chemin d'Allah. Puis par la suite, il a tracé les lignes à gauche et à droite et il a dit « Wahadi subul » il a dit « Ce sont les chemins qui vous dégarent » il a dit « À la tête de chacun de ces chemins, il y a un diable qui appelle les gens à le suivre. » Donc, c'était pour montrer que cette religion, c'est une seule religion, c'est une seule voie. Et l'égarement, elle est multiple, elle a plusieurs visages. Donc, il ne faut pas se surprendre, il ne faut pas s'étonner de voir la quantité d'égarements qui existe, d'accord? Non. Non, c'était à cause de l'affaire perpendiculaire. Mais le hadith, tel que je l'ai lu dans le livre, c'était écrit qu'il a tracé une ligne droite, il ne s'est pas mentionné de triangle. Peut-être que celui que tu dis, c'est une autre version de ce hadith. Wallahu a'lam. Dans Sahih al-Bukhari. Dans un triangle, il a dit. D'accord. Bon, on va vérifier ça, Inch'Allah. Barakallahu. Donc, là. Non. Ça, c'est dans Surat al-Ma'ida. اليوم أكملت لكم دال سلسلة numéro 3 oui سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة numéro 5 سورة numéro 5 ok et l'autre au sujet du chemin d'Allah donc ça c'est la سورة النساء Sourate Al-An'am, verset 153. L'autre, c'est Al-An'am. C'est les blessures, les bêtes. Ouais. Al-An'am, l'article 6. Ouais. Verset 153. Le verset 3. Sourate Al-Ma'ida, verset 3. Na'am. Ouais, la table il revient, la table. Non. Donc, ensuite, le cheikh, il continue, en citant une parole de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah, qui est l'élève d'Ibn Taymiyyah, il dit, et pourquoi? Il dit, parce que ce chemin, c'est le chemin qui amène à Allah. Et ce chemin-là, c'est un chemin unique. Et c'est le chemin avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers et par lequel il a fait révéler ses livres. Et il n'y a aucun autre chemin qui peut t'amener à lui, excepté ce chemin. Et même si les gens essayaient de suivre n'importe quel autre chemin, et même s'ils prenaient toutes les portes, alors tous les chemins et toutes les portes sont fermées pour eux, excepté ce chemin unique. Et c'est le seul qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous fait comprendre en fait que, yani, ceux qui pensent que par exemple, tous les groupes, toutes les sectes, toutes les religions sont bonnes, et que tu peux suivre juste celle qui te plaît, et que par exemple, ils pensent que parmi les musulmans, il y a différents groupes, différentes sectes. Tu suivre la secte qui te plaît, ce sont différents chemins qui te mènent à Allah. Ici, là, c'est clair dans ce verset, et dans l'explication de ce alim, qu'il n'y a qu'un seul chemin à suivre, et c'est le chemin que Allah et son prophète nous a enseigné, nous a ramené, et celui qui veut amener un autre chemin ou dévier de cette voie, alors il s'est dévié du droit chemin. Et aussi une autre preuve de ça justement, c'est que les Sahaba, ils ont tous suivi cette voie, d'accord, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés et ils étaient tous unis sur la vérité. Hein? Donc ça veut dire que ils ont tous été d'accord sur cette voie, ils ne se sont pas divisés en sectes et en groupes, d'accord. Donc ça veut dire que ceux qui sont venus après, qui se sont divisés, c'est eux qui se sont détournés de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. حقا الشيخ يزيد وقد أمرنا عند التنازع بالرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حال حياته وإلى سنته بعد وفاته قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فكلمة شيء هنا نكرة في سياق الشر تعم كل اختلاف التضاد في الأصول والفروع. Donc le cheikh ici l'explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son livre, puis il nous a ordonné de retourner à lui et à son messager lorsqu'il y a une différence, une divergence entre nous. Et le cheikh explique que de retourner à Allah signifie de retourner à son livre, c'est-à-dire le Coran. Et de retourner à son messager signifie de retourner au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son existence, lorsqu'il était en vie. Et après sa mort, ça signifie de retourner à sa sunnah. Hein, sa sunnah qui a été préservée après sa mort. Et c'est pour ça qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ et si vous êtes en divergence sur quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous êtes réellement croyant à Allah et au jour dernier, ce sera meilleur et d'une meilleure conclusion pour vous. Donc ça veut dire que si tu es croyant, tu dois faire ça. Si tu n'es pas croyant, ou bien si tu ne fais pas faire ça, mais tu n'es pas croyant. Et c'est une condition ici. Et donc, quand tu vois les êtres humains qui, ou les musulmans par exemple, qui ont une divergence sur un sujet, peu importe le sujet, et qui disent, bon, on va retourner à la démocratie, on va retourner à autre que le Coran et la Sunna, que ce soit une philosophie ou une idéologie établie par un penseur ou par je ne sais pas qui, une autre personne, alaykoum salam rahmatullah, et que cette idéologie-là est contraire au Coran et à la Sunna, on lui dit, écoutez, Allah il nous a dit ici de retourner à Allah et à son prophète, pas de retourner à quelqu'un d'autre, soit un madhab, ou à une pensée, ou à une idée de quelqu'un. Non. Le chef il dit, فَكَلِمَةُ شَيْتُنَا نَكِرَا بِسِيَقِ الشَّرْفِ. C'est-à-dire, lorsque Allah mentionne ici dans ce verset, فَإِنْ تَنَعْزَعْتُمْ فِي شَيْتُنْ. C'est-à-dire, si vous dites, si vous êtes divergent, ou vous avez une divergence en quoi que ce soit, en une chose quelconque, فِي شَيْتُنْ. Shay, ça veut dire une chose. Et donc, c'est quelque chose de général. Et il est dans un contexte de conditions. Donc, ça implique toute forme de divergence. C'est pas une divergence spécifique. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite à cette divergence. Ça peut être une grande divergence ou une petite divergence. Et ça peut être dans les fondements, comme ça peut être dans les questions générales, si vous avez quoi que ce soit, vous êtes en différence dedans, alors ramenez-la à Allah et son messager, vous allez trouver la meilleure conclusion. Ensuite, il dit, يقول ابن القيم, ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. ابن القيم رحمه الله يزيد إعلام الواقعين cette parole, en parlant de ce verset, il dit s'il n'y avait pas dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager une clarification ou un verdict au sujet de ce sur quoi on est en désaccord, et si le Coran et la Sunna n'avaient pas été suffisants pour qu'on y retourne, ça veut dire que c'est pas suffisant, donc ce serait donc qu'est-ce que le cheikh veut dire ici, c'est que en fait si le verset n'était pas dans le Coran et dans la Sunna, et bien ce serait une contradiction, ce serait une chose absurde, parce que c'est absurde, ce serait impossible de penser que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de retourner à quelque chose lors d'un désaccord, et que la clarification de cette chose-là ne soit pas déjà présente dans cette chose-là, c'est-à-dire dans le Coran ou dans la Sunna. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut dire en d'autres mots, c'est que si vous retournez au Coran et à la Sunna, vous allez trouver la réponse de ce désaccord-là, peu importe. D'accord ? Il suffit d'être capable de comprendre la parole d'Allah et de son messager. Donc, c'est possible que certaines personnes vont le lire, qui ne vont pas trouver de réponse, alors qu'un alim, un savant de l'islam, va lire le Coran et la Sunna, et il va être capable, lui, d'extraire et de comprendre de certains versets en se basant sur certains versets et certains hadiths que d'autres, par exemple, n'ont pas été capables de comprendre. Wallahu a'lam. Donc le cheikh il continue et dit « وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » Allah SWT il dit ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Hein? Et donc, ça c'est aussi un verset qui nous explique que Allah SWT nous interdit de nous diviser dans la religion. C'est interdit en islam de se diviser dans la religion. C'est haram. C'est complètement interdit. Dans un autre verset, il dit وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Celui qui se divise, qui se sépare, qui fait une fusion avec le messager, après que la vérité et la guidance lui aient été clarifiées, et qui suit autre que la voie des croyants, alors nous le laisserons se détourner tel qu'il s'est détourné, et nous le mènerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc ça veut dire que, premièrement, on doit jamais se diviser se couper d'avec le messager, et on ne doit pas non plus se couper de la voie, ou suivre autre que la voie des mu'minines. Et la voie des mu'minines, c'est la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas suivre, premièrement on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui dit qu'il suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il doit suivre la voie des mu'minines, c'est-à-dire les sahaba. Il ne faut pas suivre l'islam sans passer par l'exemple des sahaba et leur compréhension. Non. Non. Ça, c'est une bonne question, Akhi. On va en parler de ça aussi. Même on peut en clarifier un petit point ici, juste sur le fait. Donc, si on sort pas réellement du contexte, puisque c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour clarifier le manhaj du prophète, dans le salam qu'on veut, et des sahaba qu'on parle de ce sujet aujourd'hui. Donc, ça rentre dans le sujet dont on parle. Et comme tu dis, mon frère, c'est vrai que Zahra, tu te lire, ça me fait sourire, parce que quand je suis converti à l'islam, à la mosquée où je priais, il y avait des groupes de Zahra, c'est-à-dire qui venaient chaque vendredi. D'accord? Et puis moi, je suis jamais parti avec eux, parce que le frère qui nous donnait les cours sur l'islam, c'est un frère salafi. Et il nous a avertis. Il nous a dit de ne pas sortir avec eux. Comme tu dis, ils disent aux musulmans que ce qu'ils font, c'est qu'est-ce que les sahaba faisaient. D'accord? Sauf que la réalité, c'est que c'est des gens, premièrement, donc, ils étudient pas l'islam. Ils n'ont pas d'ilm. Donc, comment ils peuvent connaître qu'est-ce que les sahaba faisaient si eux-mêmes n'ont pas de connaissance de l'exemple des sahaba? Et on a vu ici, dans ce verset, يعني que celui qui suit autre que la voie des mu'minines, on a dit que ce sont les sahaba, d'accord? Donc, pour les suivre, il faut avoir une connaissance. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, eux. D'accord? Et quand on regarde leur voie, et la voie qu'ils suivaient, on voit que l'exemple de qu'est-ce que les Jama'at et Tabir suivent est contradictoire, est contraire avec qu'est-ce que les sahaba suivent aujourd'hui. Il y a une contradiction entre qu'est-ce que les sahaba faisaient et qu'est-ce que les Jama'at et Tabir aujourd'hui fait. Et ça, pour te donner des points et des exemples, je vais te donner quelques exemples seulement, d'accord? Donc, il y a beaucoup de musulmans, des jeunes musulmans, qui sont partis voir des savants de l'islam pour leur demander des questions au sujet de Jama'at et Tabir, est-ce que c'est permis de partir avec eux ou non, d'accord? Bon, beaucoup de gens ont dit par exemple, c'est des gens qui font du bien, ils appellent les gens à venir à la mosquée et des choses de ce genre, et ils incitent les gens à suivre certains aspects de la sunna et des choses comme ça. Sauf que, yani, on regarde, bon, eux ils disent qu'ils font le da'wa. Ils appellent les gens à Allah et à son prophète et à suivre l'islam. Donc, on regarde, c'était quoi la façon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour appeler les gens à l'islam? Comment il a fait? D'accord? Et à quoi il appelait les gens avant toute chose? Il appelait les gens, il a commencé son da'wah à appeler les gens à la ilaha illallah. C'est-à-dire, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la base du message de tous les messagers d'Allah. Pas seulement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais tous les autres messagers avant lui. Que ce soit Nuh, que ce soit Ibrahim, que ce soit Moussa, Isa, et tous les autres parmi les messagers d'Allah, d'accord? Et aujourd'hui, par exemple, ou après l'avenue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bon, on sait que les premiers musulmans, ils ont compris cette signification-là, ils ont combattu les idoles et l'idolâtrie, et les gens qui font l'idolâtrie, et ils ont établi le tawhid sur la terre, d'accord? Mais après, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il y a des musulmans qui sont déviés de ça, qui ont oublié ça, et qui ont commencé à prendre pour adoration, pour objet d'adoration, les morts et les tombeaux, et les saints. Donc si tu retournes maintenant dans plusieurs pays musulmans, tu vas trouver qu'il y a des endroits où des gens ont construit sur les tombes des personnages vertueux ou pieux, des sanctuaires, et des sortes de mausolées ou des choses de ce genre. Et les gens vont à ces endroits-là et ils vont demander des faveurs à ces êtres ou ces personnages qui sont enterrés. Donc, les ulamas de l'islam ont toujours combattu ces choses-là et ont toujours clarifié aux musulmans que ça c'est shirk, idolâtrie. Ça rentre dans le shirk, de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. D'accord? Sauf que, quand on retourne maintenant à ce qui a rapport avec Jama'at et Tabir, on regarde que le fondateur de ce mouvement, c'était Mohamed Elias Al-Kandahlaoui, en même. Et bien lui-même, cette personne-là, il approuvait les gens qui vont aux tombes et qui adorent les tombes. Mohamed Elias Al-Kandahlaoui. Lui-même, il a été enterré maintenant dans sa tombe. Dans sa mosquée, là, où il a son centre en Inde, il y a 4 tombes dans la mosquée. Sa tombe à lui, son fils, et je ne sais pas, il y a 2 autres parmi les gens qui le suivent, qui sont enterrés dans la mosquée. D'accord? Ça, c'est un. Le prophète a interdit que quoi que ce soit construit par-dessus une tombe. Que ce soit un monument, une petite chose qu'on construit, qu'on met pour vénérer la personne ou qu'on fait pour glorifier la personne, on n'a pas le droit de rien faire ou de rien bâtir sur une tombe. D'accord? Et le prophète a ordonné que ce soit rasé, nivelé au niveau du sol. Ça, c'est des hadiths qu'ils prouvent et que ce sont des hadiths authentiques. D'accord? Lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des gens en Éthiopie qui avaient fait des églises et qui mettaient des statues et qui dessinaient des images dans les églises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé au sujet de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce sont les pires parmi les créatures pour Allah. Lorsqu'un homme pieux meurt parmi eux, ou un prophète, il baptise sur sa tombe ces gens de sanctuaire et ces choses-là. Ceux-là sont les pires des créatures pour Allah. Et dans un autre verset, il a dit, malédiction soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes pour des mosquées ou pour des lieux de prière. Et ça, c'est complètement rejeté dans l'islam. Donc, ces gens-là, en partant, le tawhid, ils n'ont pas compris ce que ça signifie. L'unicité d'Allah, ils n'ont pas compris ce que ça signifie. Et c'est pour ça que lorsqu'ils te parlent de leurs 6 points, hein, le premier point, ils ont dit la ilaha illallah. D'accord? Excepté que la compréhension qu'ils ont de la ilaha illallah, c'est la compréhension qui se limite à dire qu'il n'y a qu'un seul créateur dans l'univers et c'est lui qui contrôle tout. Et cette compréhension de la ilaha illallah, elle n'est pas complète. Il manque beaucoup de choses pour qu'elle soit complète. C'est-à-dire que, premièrement, la ilaha illallah, pour bien la comprendre, il faut comprendre qu'elle est divisée en 3 catégories. Il faut comprendre que la ilaha illallah, il doit y avoir tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, et tawhid al-asma al-sifat. Tawhid al-rububiyya, c'est ce qu'on vient de dire, que Dieu c'est le créateur de toutes choses, qu'il est le maître de toutes choses. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, en majorité, parmi les êtres humains. Même les idolâtres à la Mecque, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on leur demandait pourquoi, qui avait créé les cieux et la terre, ils disaient Allah. Si tu lis des versets dans le Coran, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc, les mouchriquins à la Mecque, ils savaient ça. Mais pourquoi alors ils adoraient autre que Allah? Pourquoi ils adoraient Allah, wal-Uzza, wa-Rubal, et tous les autres? Parce qu'ils les prenaient comme des intermédiaires entre eux et Allah, hein, pour se rapprocher à Dieu. Parce qu'ils se disaient, eux sont plus près de Dieu que nous, c'était des hommes pieux, c'était des anges, ou c'est d'autres. Donc, on va les prendre comme intermédiaires. La même chose avec les chrétiens. Ils disent, on prend Jésus comme intermédiaire, on prend Marie comme intermédiaire, on prend Saint-Joseph, ou Saint-Martin, ou Saint-Luc, ou Saint-Georges, ou Saint, je sais pas quoi, et ils disent que ce sont Saint-Michel, et ils disent que ce sont des intermédiaires. Hein? Et Allah s'en parle dans le Coran, il y a un verset comme ça qui disait, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. On les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. D'accord? Et dans notre verset, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire, ni leur amener un bien quelconque, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ces gens-là, ils font la même chose. Hein? Et lui, et comme on a expliqué aux frères qui assistent au cours depuis longtemps, que ces gens-là font partie d'une tariqa soufia. Tariqa soufia, qu'est-ce que c'est? Une tariqa soufia, c'est une voie qui a été établie par un cheikh soufi. Et le soufi, c'est une sorte de groupe qui sont sur une innovation. Okay? Et ces gens-là, ils ont cru qu'ils peuvent avoir une connaissance de Dieu sans passer par le Coran et la Sunna. Ils peuvent avoir une connexion directe avec Allah. D'accord? Et que le Coran et la Sunna, ça c'est une chose qui est pour les gens ordinaires. Eux, ils sont arrivés à un stade plus élevé. Ils n'ont plus besoin de cette étape-là. Ils passent direct à Dieu. C'est un raccourci. Et eux, ils disent que ça, là, c'est la tariqa. Hein? La sharia, c'est pour les musulmans ordinaires. La tariqa, c'est pour les gens spéciaux, les gens plus élevés. Hein? Et donc, ces gens-là qui suivent cette tariqa, c'est souvent un cheikh qui lui-même était sur la tariqa d'un cheikh, à qui il a donné un serment d'allégeance et d'obéissance, et ce cheikh-là lui a donné certaines formules à réciter ou certaines choses à dire régulièrement, et là, après un certain temps, après l'avoir suivi pendant des années, là, il a atteint un niveau, et là, il a dit, ça y est, moi-même, je peux faire ma tariqa. Alors, il appelle les gens à le suivre, et là, par exemple, s'il s'appelait, par exemple, on a parlé de Sidiane, Ahmed Sidiane, qui est né, ça fait environ 200-300 ans, et bien lui, il était venu vers le sud de l'Algérie, hein. Il a commencé par suivre une tariqa, par la suite il a fait sa propre tariqa, il appelle les gens à le suivre, et maintenant on l'appelle d'après son nom, à tariqa à Sidjaniya. Mais il y en a des milliers de tariqa, pas juste une seule. Il y a Arita'iya, Naqshbandiya, Saharwardiya, Chelsea, Shaziniya, Mouridiya, Sidjaniya, et Sidjaniya c'est pas une tariqa soufiya. Mais Al-Qadiriya, et beaucoup d'autres dont je ne me souviens plus des noms, mais c'est juste pour te dire que tous ces gens-là suivent une tariqa différente. Et lui, cet homme-là, Mohamed Elias Al-Kandahlaoui, il était sur une de ces tariqas-là qui est, je crois, Al-Jassiya, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là souvent? C'est qu'ils croient en une aqida, une croyance qui est Wahdatul Wujud. C'est-à-dire que tout est Allah, et Allah est tout. Et ils ont cette idée, cette croyance-là. Ça, c'est une croyance de shirk, qui est opposée à l'islam. C'est-à-dire que Dieu est toute chose, et toute chose est Allah. Non? Tu vois? Et une autre aqida qu'ils ont, bon, qu'est-ce qu'ils font, c'est que lui, dans cette tariqa-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller s'asseoir devant la tombe du cheikh, ils vont se mettre un bras sur la terre, et puis ils vont commencer à se dandiner comme ça, de gauche à droite, puis à commencer à méditer. Jusqu'à ce qu'ils commencent à entendre le cheikh qui leur parle dans sa tombe, là. Ou des choses de ce genre. Puis, je ne sais pas, sûrement c'est le shaitan. Parce que moi j'en ai vu déjà qui fait ça. Mais l'origine qu'ils ont là, ça n'a aucune importance parce que ils sont dans tous les pays musulmans. La plupart des soufis, ils existent partout. Ces trucs-là, ils existent partout. Donc ces gens-là, déjà là en partant, ils appellent les gens à suivre les soufis, mais d'une façon indirecte. Pour passer à un autre sujet, déjà ça on a compris, ça c'est le fondement de l'islam. Si ce fondement-là il n'est pas correct, le reste, c'est un détail insignifiant. La base c'est le plus important dans l'islam. Si tu n'as pas compris la ilaha illallah, oublie le reste. Mais là maintenant, juste pour continuer encore à donner d'autres exemples, on va essayer de comprendre d'autres détails. Par exemple, eux ils disent qu'ils veulent aller donner le da'wah, de faire le da'wah et appeler les gens à l'islam. Sauf qu'ils disent que nous, on n'a pas d'ilm, on n'a pas de connaissance. Mais en fait, on va dans le chemin d'Allah pour apprendre. Pour apprendre. Donc, ça, c'est une contradiction avec la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des gens pour faire le da'wah, il envoyait toujours les ulama. Il envoyait toujours les plus savants parmi les sahaba. Par exemple, quand il a envoyé au Yémen un des sahaba, il a envoyé un des plus savants parmi les sahaba, qui était Mu'adh ibn Jabal. Donc, il envoyait toujours des ulama pour faire le da'wah, pas n'importe qui. D'accord? Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les gens du ilm. Ils coupent les gens du ilm. Ils empêchent les gens d'aller chercher et étudier le ilm. Ils leur disent que c'est préférable pour les gens de sortir avec eux que d'aller étudier l'arabe et le Coran et la Sunna et les hadiths. Eux, quand ils lisent les livres, ils se limitent uniquement à leurs livres, c'est-à-dire Tablir Nisab ou bien Riyad al-Salihin ou des livres comme ça. Et quand ils font qu'est-ce qu'ils appellent le ta'lim, eh ben qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste s'asseoir et relire continuellement ce livre-là sans essayer de rentrer dans plus de compréhension et des détails de la religion, des choses qui sont plus aussi importantes. Par exemple, aussi, c'est que étant donné qu'ils coupent les gens de la science, de la religion, il y a des exemples aussi qui sont arrivés à certains frères que je connais, qui m'ont expliqué eux-mêmes personnellement que quand ils voulaient aller étudier en Arabie Saoudite, par exemple, ils ont dit à ces gens-là qu'ils allaient partir, ils avaient été acceptés pour étudier en Médine. Et l'amir de ce groupe de Tablir lui a dit, vas-y pas en Arabie Saoudite étudier. Parce que la lumière de Mecca et de Médina, elle a été enlevée et maintenant elle est en Inde. Ça c'est un exemple. Et après, quand, pour lui donner un exemple de ça, il lui a dit, il y a des groupes parmi les jama'at qui sont partis en Inde pour l'Ijtima, pour un rassemblement annuel en Inde, et ça c'est, il y a des millions là qui s'en vont là-bas. C'est comme, comme le Hajj là qu'ils font, mais ils se réunissent une grosse quantité de monde là chaque année là-bas. C'est immense. Donc, il dit, il y en a un groupe qui était parti là-bas, et il y avait une jama'at qui était arabe, et il faisait un bayan en arabe. Et tout d'un coup, il y a eu une grosse lumière, et là, tout d'un coup, tout le monde comprenait l'arabe. Sans qu'on avait appris l'arabe. Donc, il disait, si tu vois, si tu viens avec nous, et ça vient là, comme ils disent, eh bien, tu vas, tout de suite, tu vas comprendre l'arabe, pas besoin d'aller étudier. Donc, ça, c'est contraire aussi au Coran et la Sunna. Ouais, le prophète, en somme, il a dit, innama al-ilmu bit-ta'allum. La science vient avec l'étude. Il ne faut pas l'apprendre sans l'étude. Et comme l'autre, par exemple, il disait que le fondateur de Jama'at Tablir, j'ai entendu ça de mes oreilles quand j'étais à la mosquée, là, une fois dans leur mosquée. Il disait une fois, il y avait le fondateur de Jama'at Tablir, qui expliquait une histoire aux gens. Il disait qu'il était rentré dans l'eau et qu'il y a un crocodile qui est venu pour l'attaquer. Et puis, pendant qu'il était dans l'eau et il se défendait contre le crocodile, il a dit au crocodile, si tu me manges, qui va répandre la religion d'Allah? Alors le crocodile, il l'a laissé partir. Le crocodile est parti, il l'a laissé. C'est des exemples comme ça. Les ulama, ils ont averti les musulmans contre ces gens-là, et ils appellent ces gens-là al-Qusar. C'est-à-dire, les raconteurs d'histoire. Ça, c'est des raconteurs, ces gens-là. Et donc, c'est pas la voix des ulama de l'islam qui se basent sur le Coran et la Sunna et qui donnent aux musulmans la connaissance de l'islam. C'est des raconteurs d'histoire. Non. Le résultat de faire ça, c'est la bid'a. C'est la bid'a. Parce que ces gens-là, ils incitent les gens à suivre la bid'a. Et ils interdisent pas la bid'a aux gens. Ils le défendent. Et en plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent aux gens la voie vers la science. Ils coupent aux gens la voie du savoir. Donc, on a compris avec le temps que cette voie-là, c'est une des grandes voies d'égarement aujourd'hui. Et la plupart des jeunes musulmans, ils sont entrés dans les groupes de terroristes aujourd'hui, sont passés par les Jama'at Tablir avant d'entrer dans ces groupes-là. Parce que Jama'at Tablir, étant donné leur ignorance, les jeunes entrent avec eux, avec l'image de piété qu'ils ont, l'image de piété puis de, comment, d'esthétisme, comme des gens qui se détachent de la dunya. D'accord? Donc ça, c'est une image qu'ils montrent. Mais lorsque tu rentres à l'intérieur, il n'y a pas de ilm. Donc, les gens de djihad, par la suite, ils arrivent, ils leur font une da'wa, et en quelques secondes, ils les transforment en djihadi takfiri, ces jeunes-là. Parce que les versets que les jama'at tablir utilisent pour appeler les gens à sortir avec eux, sont les mêmes versets de djihad, excepté qu'ils les mettent en dehors de leur contexte pour les appliquer à leur mouvement, à leur groupe, à leurs activités. Alors qu'en réalité, ça n'a aucun rapport. Les versets qu'ils parlent de Khuruj fi sabilillah ont tous rapport avec d'aller sortir dans le combat avec les hommes pour combattre les ennemis de l'islam. Ça, c'est les versets qui sont dans le Coran. Et les hadiths qui parlent de Khuruj fi sabilillah. Eux, ils prennent ces hadiths et ces ayats et les appliquent à leur da'wah. Alors les gens djihad et djihad, ils disent écoutez, ce verset-là c'est pour ça, ce verset-là c'est pour ça, qu'est-ce que nous on fait? Alors viens avec nous, on va aller faire sauter les bombes. Ouais, khuruj, ouais. Donc, qital, fi sabilillah, khuruj, fi sabilillah, et tout ça. Donc, par exemple, ils prennent un verset qui dit ceux qui sortent et ceux qui combattent, ceux qui restent assis sont pas comparables avec ceux qui partent et tout, et ceux qui sortent et tout. Ça, c'est les versets qui parlent du djihad, pas les versets qui parlent de qu'est-ce qu'ils disent. Et donc, ils prennent tous les versets et les mettent hors de contexte. Donc, subhanallah, donc le ilm, c'est le ilm l'important dans notre époque. Aussi, la façon dont on doit comprendre cette aqidah, en ce qui concerne l'asma aussi, ça, on n'a pas parlé de ça, mais ça c'est un aspect important. Et eux, ils s'éloignent ou ils évitent toujours de mentionner ou de parler quoi que ce soit sur lesquels il y a un désaccord entre les groupes, entre les sectes. Ils n'en parlent jamais. Les déviations, ils ne préviennent pas les musulmans contre ça. Et aussi, par exemple, les madhahibs, bon, ils n'en parlent pas, mais ils sont des gens hanafis, bornés, et ils suivent aveuglément les madhahibs hanafis. Il n'y a pas de discussion avec eux. Pour eux, le meilleur madhhab à suivre, c'est Hanafi. Et j'ai entendu même des frères qui m'ont dit que lorsque certains convertis sont entrés avec eux, qu'est-ce qu'ils font quand ils leur apprennent l'islam? Ils disent, bon, il y a plusieurs madhhab, mais le meilleur, c'est le madhhab Hanafi. Alors, sois Hanafi. C'est comme, ils disent carrément qu'ils doivent suivre aveuglément un madhhab. Donc, c'est des exemples de leur ignorance. Abu Hanifa, non, Abu Hanifa c'était un des imams de Ahl-Sunnah. Il était un des imams de Ahl-Sunnah, le problème c'est pas ça. Mais le problème c'est de dire aux musulmans de le suivre aveuglément et de dire à quelqu'un celui-là c'est le meilleur. Mais subhanallah, je ne peux pas dire ça. Ses origines, je sais qu'il était à Koufa, mais ses origines, wallah, est-ce qu'il était à Koufa? Je pense que c'est. Peut-être, mais beaucoup des ulama ne sont pas des arabes d'origine. C'est pour ça, donc. Oui, c'est ça, Al-Koufa. Il était de Koufa, ça c'est en Irak. Ça, il n'y a pas de doute. Mais son origine là, ça c'est quelque chose que je ne peux pas savoir. Est-ce que vous dire qu'il était arabe ou non arabe? Ah, parce qu'il était... Ah, ok. Non, pas nécessairement, c'est pas un lien direct. Parce que les Turcs sont Hanafis aussi, sont pas nécessairement de Pakistanais, comme les Pakistanais ou les Indiens qui sont Hanafis aussi. Mais c'est une caractéristique qu'on retrouve chez presque la plupart de tous les Hanafis. Cette éducation qu'ils reçoivent, comme le frère Hamza nous disait la dernière fois, on discutait ensemble après le dar, et c'est que il y a dans certaines cultures les femmes sont gardées dans l'ignorance et c'est elles qui éduquent les enfants et on leur apprend la religion d'une façon traditionnelle. Donc la même chose, le madhhab on leur apprend aussi comme une tradition aux enfants lorsqu'ils sont tout petits. Donc tu vas voir les enfants turcs, les enfants pakistanais. Et quand ils rentrent dans la mosquée, depuis l'enfance, on leur montre à faire des choses, on ne va jamais leur montrer Qur'an ou Sunna. On leur dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et eux, c'est ça qu'ils apprennent depuis l'enfance. Et puis, quand ils grandissent, ils font ça aussi. Et là, quand ils voient d'autres musulmans, moi je me souviens, j'avais des contacts avec certains parmi ces gens-là à un moment donné. Et puis tu leur dis, écoutez, qu'est-ce que vous faites là, c'est contraire au Coran et à la Sunna. Oui, mais c'est comme ça dans notre pays, c'est ça qu'on fait. Hein? Non. Donc une chose aussi, c'est ça. Ils posent jamais la question à leur chair, premièrement, pour leur demander la preuve. Ils n'ont jamais demandé à leur cheikh la preuve de ce que le cheikh dit. pour eux, c'est comme si c'est une insulte. Alors qu'en réalité, non. C'est pas une insulte de demander à un alim ou un savant de l'islam, est-ce que tu peux me donner ta preuve? C'est permis dans l'islam, t'as le droit de faire ça. Et en même temps, s'ils voient d'autres musulmans qui font autre que ce qu'ils font, ce qu'eux font, ils vont même pas essayer de chercher à comprendre pourquoi. Ils s'imaginent en partant que je suis Hanafi, mon père, il m'a éduqué, il m'a dit je suis Hanafi, donc c'est la vérité de ce que je fais, c'est ça qui est bon. Mon père qui m'a fait, mon père, mon grand-père, ils ont tous fait ça, donc c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas le revenir, essayer de comprendre le Coran et le Sunna, etc. Il y a beaucoup de bid'a'a qui font. Non, les enfants, ça c'est normal qu'à un jeune âge, ils mémorisent et puis qu'ils ne comprennent pas tout. Sauf que si on leur fait mémoriser bon, le Coran, ça, ils ne comprennent pas seulement parce qu'ils le mémorisent à un jeune âge, mais parce que premièrement, ils n'apprennent pas un mot d'arabe. Ils apprennent uniquement le Coran pour savoir le lire et le réciter, mais pas pour apprendre à comprendre, parler et lire l'arabe couramment. Bon, ben ça c'est un problème aussi. L'importance de la langue arabe, ils le négligent totalement. Ils apprennent l'anglais par exemple, ils apprennent le français à l'école, mais l'arabe pour apprendre la religion, apprendre la religion d'Allah, ils négligent totalement. Et aussi, un point important aussi que je voulais mentionner, qui vient de nous chercher là, Allah, c'est au sujet de, justement, quand tu parlais des enfants là, ça a échappé, c'est dommage. Car, des fois, il y a des points là importants là, comme ça, on veut mentionner, on veut donner l'exemple là. C'est comme je disais pour les enfants, quand ils sont jeunes, ils mémorisent le Coran, ils mémorisent les moutons, des fois les textes de certains madahib ou des choses comme ça. Puis par la suite, ils grandissent, puis là ils commencent à entrer en détail, ils commencent à comprendre qu'est-ce qu'ils ont appris quand ils étaient petits. Mais c'est comme ça l'apprentissage. Il faut profiter de l'enfance, du fait que les enfants ont une meilleure mémoire quand ils sont petits, pour mettre ça en eux, cette connaissance, puis par la suite, leur donner par la suite en grandissant d'autres détails et plus d'approfondissement. Et c'est comme ça que les savants enseignaient auparavant. Ils faisaient apprendre aux enfants toutes les bases de la science. Puis, ils les faisaient augmenter, agrandir en science avec le temps. Mais tout ce qu'ils avaient appris de fondement par cœur au début, mais ça restait. Mais ils font juste bâtir par-dessus ça. Et donc, tu comprends, c'est la différence. Mais, ah oui, je voulais dire, là je pense que je me souviens au sujet de ce que je voulais dire là. C'est lorsque tu rentres dans les mosquées de, par exemple, de ces gens-là, vous allez remarquer, c'est ça le point que je voulais dire, ce que j'allais oublier. C'est que après la prière après les cinq prières obligatoires, vous allez toujours voir l'imam, quand il se tourne, il colle ses deux mains, il commence à faire un dua à haute voix. Et les gens dans la mosquée font amin avec lui après chaque prière. Et ça c'est une bid'a. Yani la sunna, après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le zikr. Il fait son zikr. Il commence, il dit Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dhal jalal wal ikram. Ensuite, il dit d'autres zikr ou des du'as, puis il mentionne par exemple, il fait 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu akbar, puis il continue 34e fois en disant la ilaha illallah, le dernier, le wahda wa la sharika lah. Et puis, par la suite, il peut réciter, par exemple, Ayatul Kursi, il peut réciter, Kul huwa Allahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas, trois fois chaque. s'il mentionne d'autres adhkar et d'autres du'as, hein, selon la prière. Donc c'est ça qu'on doit faire comme sunnah, et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lui. Jamais on a vu dans la sunnah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après chaque prière, se tournait et commençait à faire un du'a, et tout le monde répétait après lui « Amin, Amin, Amin ». Ceci dit, c'est permis à l'imam, par exemple, de faire un du'a, ou aux gens de faire des du'a, mais de façon individuelle, hein, pas en jama'a, pas en groupe. Chaque personne fait son du'a individuel pour lui-même, pas l'imam fait du'a, tout le monde répond après lui. Ça, c'est un. Et aussi, c'est que si, par exemple, il le fait une fois ou une fois de temps en temps comme ça, sans penser que c'est ça qu'il faut faire à chaque fois, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui est bid'a, c'est de penser que de faire ça à chaque prière, c'est quelque chose qui est dans la sunna. Si quelqu'un fait ça en pensant que à chaque prière il faut faire ça, ça rentre dans la bid'a. Parce que tu as amené quelque chose qui fait pas partie de la sunna et qui l'a rendu sunna. Donc ça c'est bid'a. Ça c'est vrai, ça c'est un bon point. C'est que l'imam Abu Hanifa lui-même, la plupart d'entre ces gens-là n'ont jamais lu ces livres. Et si tu leur demandes des références même dans leur madhab, c'est-à-dire les références dans leur madhab, le madhab al-Hanafi, ils ne connaissent même pas. Hein? Et je ne serais même pas étonné de savoir que ces gens-là n'ont jamais lu un livre sur le madhab al-Hanafi. D'accord? Donc, c'est pour cette raison que parfois même tu peux demander à une personne, si elle te dit qu'est-ce que je fais, ça c'est selon madhab Abu Hanifa. Tu lui dis dans quel livre de Abu Hanifa tu as trouvé ça? Dans quel livre du madhab d'Abu Hanifa tu trouves cette chose? Parce que la plupart du temps, c'est même pas dans leur madhab. C'est des choses qu'ils ont héritées de père en fils. Et, par exemple, la même chose pour les Malikis en Afrique. Allez, subhanallah, tu vas trouver par exemple des musulmans en Afrique du Nord, qui prie les deux bras collés au côté du corps dans la prière, d'accord? Alors que la sunna, même dans Al-Muwatta de l'imam Malik, il y a le chapitre qu'il a mis qui dit mettre la main droite sur la main gauche sous la poitrine dans la prière. Ça c'est dans Al-Muwatta. Donc comment vous voyez que l'imam Malik mentionne ça et qu'il mentionne des hadiths pour prouver ça, que par la suite vous allez et vous priez les deux mains de deux côtés du corps. Yani, ça c'est contradictoire avec même le Coran et la Sunna. Et en même temps aussi, il y en a certains parmi les ulama qui ont expliqué que l'imam Malik, rahimahullah, il avait été torturé par un des dirigeants de l'époque parce qu'il avait refusé qu'on prenne Al-Muwatta comme la source de référence comme pour le jugement dans tout l'empire islamique à son époque. Et Imam Malik a dit, je ne peux pas accepter ça, parce qu'il y a beaucoup de sahaba qui sont partis dans d'autres parties du monde islamique, et je n'ai pas eu accès à leurs hadiths. Donc, on ne peut pas prendre uniquement mon livre pour se baser, pour juger dans la Ummah. Alors, il a refusé, et étant donné qu'il a refusé, le Khalifa l'a fait torturer, et il l'a battu dans les bras, ils l'ont battu dans les bras, à un tel point que le chef, l'imam Malik, à ce moment-là, ne pouvait plus prier en croisant ses bras. Et donc, il priait les bras de chaque côté. Et les gens ont pris ça, et comme s'ils pensent que ça c'est la sunna. Non, c'était pas du tout la sunna. L'imam Malik lui-même a dit dans son livre, Al-Muwatta, pas une inshallah, en tout cas, voilà. Non, Inch'Allah. Il a dit qu'on doit prier les mains sur la poitrine et la main droite sur la main gauche dans la prière. Hein? Donc ça, c'est juste un exemple. Mais c'est pour dire qu'on respecte et on aime tous les ulama d'Ahl Sunnah. Et que ce sont tous des salafiyouns. Que ce sont tous des imams. Et qu'on doit tous les aimer. Et que les livres de Madahib qui sont écrits aujourd'hui sont des références. Et sont des livres pour nous qui sont un support pour beaucoup de choses dans la connaissance de l'islam. Sauf qu'on ne doit pas les prendre de façon aveugle et commencer à essayer de les mettre au niveau comme s'ils sont infaillibles, comme s'ils sont des prophètes. Hein? Ça, c'est une erreur. Hein? Donc, Donc si vous voulez les frères, on va s'arrêter ici. Hein, qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Et on continuera inchallah la semaine prochaine.